Le Seigneur bénisse. Ndoko Mwando, Artoka Makutano à Lusaka, qui vient de l'Assemblée de Lusaka. Na yenjo konanza maubiri leo. C'est lui qui commence la prédication aujourd'hui. Je pense que c'est pour la première fois qu'il est au milieu de nous. Et nous dans la joie de le saluer et le recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous apporte les salutations de notre frère pasteur de Lusaka. Il m'a demandé de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas lui seulement, et l'Église aussi. Kinsenda, cité Karavia, ils vont saluer dans le nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous connaissons le mot Esaïe 40. Nous lisons dans Esaïe Makoumi Ine. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Fariji, Fariji Taefa Yangu, Anasema. Parlez au cœur de Jérusalem et créez-lui. Sema na ro Jérusalem na mwambie. On fait de quoi? Que sa servitude est finie. Que son iniquité est expiée. Il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une fois tri, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides. Une route pour notre Dieu. Nous lisons encore dans Psaume. 93. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme et ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur onde retentissante. Puisque la voix des grandes puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Nous allons prier Dieu. Prions-nous tous. Seigneur Dieu, Éternel et Tout-Puissant. Amen. Tout est dans le cas. Bon appétit. Il s'agit que chacun puisse se servir. Chacun a son plat. L'infaillibilité de la parole par les dieux. Le sujet que nous allons tenir, c'est Kuto Kwanguka, Kwanenu. L'infaillibilité de la parole par les dieux. Mais ce sujet, je vais l'aborder demain. Même si quelqu'un est entré en salle d'opération, on commence par apprêter la table. Si on apprête la table, alors on peut convaincre. On prend les bistouris alors. On commence alors à guérir. Que Dieu bénisse. Et pour ça, je veux commencer par Yohana wa kwanza. Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous avons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Matthieu, Luc, tous ces serviteurs de Dieu, ils prêchaient Jésus-Christ, qu'ils ont vu, ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui. C'est pour ça que la Bible dit, ce qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. Ils ont marché avec lui. Je veux le Baliona. Il est né de quoi que moi. Et la parole qui était au commencement a marché avec eux. C'est-à-dire, lorsque Paul a commencé à le même Jésus, il ne l'a pas vu. Nous lisons. Troisième 6. Galates 1. Ou Galatia, sur la quoi ça? Troisième 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce pour passer à un autre évangile. Non, qui est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, de Christ. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Il prêchait Jésus, mais Dieu s'est révélé à lui. Nous quand on a prêché Jésus, ils l'ont vu. Mais où est Paul? ananda kubiri Yesu uli asikonaki mais alipata pa ufunuo mais qu'il a eu reçu par kutumia kwabo bote bote magroupe te mbiri mais tous ces deux groupes là balanza kubiri namna moya prêcher de la même manière njo komana Paul na yeye alikuwa cha kutambua sema kuko bantu banini tanguria mbele bale barubiri u Yesu c'est pourquoi asikwenda tu bune bila pana alenda ku comparer il évangile kan ubiri comme ni moya na ile barubiri wa zamani. Mes frères et sœurs, Dieu est là. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu véritable. Mami kupale, le problème, esprit c'est que l'esprit soit un. Si nous avons tous le Saint-Esprit, nous prêcherons de la même manière. Ça ne sera pas différent. Ça ne sera pas une bataille. Mais bataille. Lakini zaidi, mais davantage, vous les comparer vous devez comparer à avec les anciens. Pana, vous n'avez pas ah, sinon, vous n'allez pas marcher correctement. Quoi, frère. C'est vrai. Il est que je vous prêche. C'est que nous prêchons à Lusaka. C'est que les enfants de Dieu. Et même ce que je prêche à Kambo. C'est le même Jésus. Si nous venons ici, nous avons un seul Dieu. Nous avons une seule promesse. C'est sur ça que nous nous tenons. Nous ne venons pas gratuitement. Nous ne venons pas rajouter une autre église. Nous sommes un peuple à part. Si vous êtes ici, c'est Dieu qui vous a appelé. Ce sont pas les hommes qui vous ont appelé. Dieu vous a appelé. Et s'il vous a appelé, il a un but. Ce n'est pas pour rien. Nous avons des promesses devant nous. Et les promesses que nous avons, nous devons les expérimenter. C'est vrai. Nibakweri. Nikweli. Mungu kwako. Dieu existe. Asibadiriki. Et il n'a pas changé. Ni paka moya moya. Il est le même. Laki fukuje ki moya. Avec un seul objectif. Donc comment comment la kuya hapa? C'est pour ça quand tu viens ici. Ukui na kintu kimo ndani yako. Viens avec quelque chose. Kile kitana kusaidia kutembea mzuri. Il va te pousser à bien marcher. Mungu ibariki sana. Que Dieu vous bénisse. Tu somme mo psaume. Nous lisons dans Zaburi. Psaume 19. Zaburi 19. Troisième 8. Nous commençons 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle juste jour. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orfins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est suffisante. Elle est véritable. Dans la parole, vous n'y trouverez jamais de faute. Il n'y a jamais de faute. Et il n'y aura jamais de faute. Je vous le dis. Si tu trouves, si tu cherches une cause, dans la parole, en fait, c'est dans les hommes que ça se trouve. C'est toi et moi qui avons des problèmes. Si nous venons ici, c'est pour que Dieu puisse nous corriger et qu'il nous enseigne. C'est pour qu'il nous console. Église de Dieu, nous avons beaucoup de choses. Mais ça roule à mon tour. Mais l'esprit de l'homme, Jérémie, Jérémia, Jérémie 17. Jérémia Kumina Saba. Neuf. Dis ça. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Dans l'homme, il y a un esprit. Et le cœur de l'homme est tortueux. Pour qu'il dise la vérité, à moins qu'il ne se tienne sur la parole. Sinon, l'homme lui-même, le mensonge, c'est avec ça que tu es né. Le mal est déjà dès le commencement. C'est pour ça que nous venons à la parole. C'est afin que Dieu nous ramène à être bon. C'est la parole de Dieu. Qu'elle puisse nous faire des bons pères, des bonnes mères. C'est ça, cette parole. Si cette parole te manque, je ne sais plus qu'est-ce qui peut te changer. La véritable parole. Si tu as un cœur qui est tortueux, pour que nous puissions avancer correctement, la Bible dit dans 1 Samuel, nous sommes en train de poser les bases. Samuel 16. Samuel a quand même cité. Numéro 7. Au 7e. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Attends, même quand tu es assis là, si le diable venait, lui va te saisir ta pensée. Peut-être. Si Dieu vient, il va saisir ton cœur. C'est ainsi. Si le diable te saisit, il va te faire koufiki li pamaneno. Nous continuons avec le Zabouri. 2 Corinthiens. J'avais bien dit, nous sommes en train de poser les bases. Douze. Car ce qui fait notre gloire, c'est un témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle mais avec la grâce de Dieu. Le moment de maintenant, aujourd'hui les gens peuvent te vanter, ma soeur. Mon frère, on peut te vendre. Et surtout, comme on fait un truc, et surtout si tu as fait un bien fait, non, ça, c'est une sœur qui est bien tenue dans la parole de Dieu. Si tu lui fais du bien, l'homme va te vendre. Il va même te mettre là où tu n'es pas. Simplement pour mais Dieu qui voit l'intérieur, il a pesé dans l'homme conscience. Nous amiri. Et ça, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux même pas te tromper toi. Tu vas tromper les autres. Tu vas tromper ton épouse. Mais devant Dieu, ton mensonge s'arrête. Ton mensonge s'arrête. C'est vrai. Ta conscience, tu ne peux pas la tromper. C'est elle qui dit tout ce que tu dis. C'est pourquoi ton père. C'est pour ça que nous allons vraiment nous allons vraiment parler là-dessus. C'est dans ton cœur. Parce que dans le cœur, il y a du mal. Le mal n'est pas dans la tête. Le mal n'est pas au pied. C'est dans le cœur de l'homme. Et le prophète dit. Et ce que tu dis, et ce que tu agis, ça vient de ton cœur. Ça ne vient pas de d'ailleurs. Ça ne vient que de ton cœur. C'est pour ça que le témoignage véritable ne vient que de Dieu. Et ça vient de la conscience. Tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas te mentir, ma sœur. Ce que tu dis, c'est sur la boussole, mais à l'intérieur de ton âme. C'est là que tu me caches le mal. Tu ne peux pas tromper. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça que Paul dit que ce qui fait notre joie, c'est Mouchou Dayamo et Wetu. Paul dit dans Warumi Tissa. Niko nasema kweli ndani ya Kristo. Mishilande. Ushuda zamiri yangu iko inanishuhudia kupitia Roho Mtakatifu. Tout ce que tu feras. Tout ce que tu agiras. Ta conscience est témoin. Tu peux sauter ici. Tu peux tout faire. Ta conscience à toi, c'est qui témoigne que ta vie n'est pas la vie de la parole. Si c'est la parole, ça va se manifester. Maintenant, il y a quelque chose d'autre. Quelqu'un peut dire quelque autre chose, mais il vit autre chose. Là, c'est le pire. Mais la manière de marcher montre la nature de ton âme. Et on va t'aider. Ne marche pas dans l'hypocrisie. On ne va pas t'aider. Parce que tu peux dire, tu pensais que tu es arrivé. On dira que tu es déjà arrivé. Et on dira que tu es bon. Alors que ta vie est différente de ce que tu dis. Depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir des gens qui pouvaient se tenir devant la chair. Et quand ils prêchent ici, tu te dis, oh, il a déjà rencontré Dieu. Celui-là, c'est fini. Mais Wakati Otekonendelea, il démontre ce qu'il y avait à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, tu peux cacher. Mais demain, ça se manifestera. Dieu travaille avec son temps. Aujourd'hui, tu peux te tromper. Mais Dieu, demain, tu vas te manifester. Jokomana, mon frère, dans les expériences que j'ai, moi, je ne peux pas vanter parce qu'il a prêché bien. Non. L'essentiel, c'est que l'homme prêche bien et que sa vie puisse suivre. C'est ça le problème. On peut chanter. C'est bien, tu peux chanter. Mais tu peux faire tout. Mais après avoir chanté, ta vie est comment? C'est ça le problème. Tu peux bien t'habiller. On dit, ah ça, c'est la véritable. C'est vrai, ça c'est une tenue tabernacle. Nicole, tu peux faire tout ça, mais en toi, c'est là que se trouve le problème. Nicole, ça c'est vrai. Ça c'est la vérité, Ndouk. Que Dieu nous aide. Nous poursuivons quelque chose devant. Nous avons un objectif. Nous regardons en avant. Jésus-Christ, qu'on a coupé ça, ça y va. S'il venait aujourd'hui, est-ce que tu auras la force pour partir? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que Dieu, il rend le véritable témoignage. C'est quand il te donne le Saint-Esprit et il dit, celui-là marche conformément à ma parole. Si Dieu regarde en toi, C'est pour ça que les serviteurs de Dieu, ils sont là. Ils prêchent. Et si tu crois, on te met dans l'eau. Et leur travail s'arrête. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient pour regarder dans ton cœur. C'est la vérité. Nous. Il regarde dedans. Il regarde exactement ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la vérité. Si aujourd'hui, je vous dis, je suis arrivé de l'autre côté. J'ai dit, ah, c'est comme ça que l'église était là. Vous aviez commencé par là. Tu arrives même ici. On te demande, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Tu prends un Saint-Esprit imaginaire, tu te mets. Une nouvelle naissance imaginaire, tu te mets. Mais la vie, là, à commencer par tes pensées, tes actes, c'est en train de rejeter tout son témoignage. C'est pourquoi témoignage Yamutu. C'est l'homme qui regarde à l'extérieur. Mais Dieu lui voit à l'intérieur. C'est ça le problème. Frère, hein, la période des blagues était venue. Nous avons atteint la fin. Nous prêchons. Nous ne sommes pas au début. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Est-ce que tu es prêt? Quand nous sommes entrés dans la fin, ça veut dire ce n'est pas le problème du père ou du mariage. Ce n'est pas un problème qui concerne un homme. C'est toi et Dieu. Il n'est pas, ne dit pas ici notre Dieu. Dit mon Dieu. Tu dois avoir un véritable témoignage. Là où tu te tiens. Depuis que tu as cru. Jusqu'aujourd'hui. Ton bénéfice à toi, c'est de t'habiller en longue jupe et de garder la tête. Mais il est toujours le même. Si tu dois parler seulement, on va se dire, mais c'est celui-là qui a cru. Tu commences à écouter. On demande, mais c'est Dieu Moïse qui a cru. Frère, le temps est passé. Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est le moment où chacun doit inventorier sa vie. Ne regarde pas ce qui s'est passé hier. Tiens, regarde là où tu te tiens aujourd'hui. Comment est-ce que tu marches avec la parole de Dieu? Je ne suis pas le premier à prêcher ici. Non. Il y en a qui m'ont passé. Pour que vous veniez ici. C'est le travail des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, tu es venu. D'abord, tu fais la honte et vous êtes en train de faire un sujet. Ce ne sont pas les autres. C'est nous-mêmes là qui disons avoir la parole. Et quand nous regardons notre vie, c'est contraire à ce que nous sommes en train d'imaginer. Arrête-toi d'abord. Arrête-toi. N'avance pas. Arrête-toi. Réfléchis sur ta vie. Regarde. Fais de ton mieux. Prends des mesures très dures pour toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que tu n'aies pas le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui, c'est simplement, on t'a déjà prêché. Ce n'est pas ce que je prêche est nouveau, non. Non. On t'a déjà prêché ici. Tu connais les voies de Dieu. Tu connais ce que Dieu veut. Tu le sais. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de le servir? Acte 27. Acte 24. 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Là, je suis en train de réveiller votre conscience. Que chacun regarde où il se tient. Et tu peux dire devant Non, est-ce que tu peux dire je vais marcher avec ta voix, ta parole dans l'intégrité? Est-ce que tu peux dire ça? Est-ce que tu peux témoigner devant Dieu? Tu peux même défier Dieu en disant ceci? Alors qu'en toi, il y a encore une mauvaise vie? Nous avons atteint la fin. N'avancez pas. Soyez sûr de ce que vous faites. Soyez sûr de marcher avec Dieu. Les anciens avaient marché avec lui. Et ils ont marché avec des telles déclarations. Il disait à Dieu ceci. Ézéchias lui dit, regarde comment est-ce que j'ai marché. Mon cœur, comment il est. Il avait un véritable témoignage. Il le disait à Dieu. Il ne parlait pas au pasteur. Il ne parlait même pas à son ami. Il parlait à Dieu. Dieu, regarde-moi tel que je suis. Il connaissait sa vie telle qu'elle était. Est-ce que tu diras aussi mon frère, tu diras aussi la même chose. Il est sûr qu'il y a un problème là-bas. Alors que tu as encore des problèmes avec les autres. C'est pourquoi, mes frères, nous avons de grandes responsabilités. Croire en cette parole, c'est avoir une très grande responsabilité. Tous ces gens de Cambodge, ils connaissent que nous avons la vérité. Nous savons dire que nous avons reçu une parole qui est vraiment au et qui fait du bien. Il faut que notre vie qui était en bas, nous chantons en étoutoshap, en étoutwekap. Mais en chantant, en dansant vraiment. Quand tu fais ça, c'est-à-dire, non, il vient d'avoir un peu d'argent. Oh, en Nintosha, en Nintosha. C'est vrai. Mais nous, si nous chantons, si nous nous chantons, nous avions une mauvaise vie. Mais Dieu nous a élevés. C'est ça que nous devons témoigner. Mais comment on est Mungu? Mais si tu marches avec Dieu, toi-même tu vas regarder. Là où tu te tiens, on vas dire c'est la grâce de Dieu. Ne dis quoi, frère? Tu es en train de regarder à ta vie. Toi-même, conscience yako. Zamir yako. Même quand tu es chrétien, tu dis c'est vrai. Dieu a agi dans ma vie. Tu te connais bien tel que avant tu es. Mini. Avant que tu mais aujourd'hui, après quoi mini? Après avoir entendu beaucoup, mais en avoir résultat ma chère. Regarde maintenant où tu m'as toqué de ta vie. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons. Psaume 17. Zaburi kumina saba. Kwanza 1. Premier verset. 17:1. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Waki wangu onekane ku macho yako. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Na macho yako ipate kuangalia unyofu wangu. Si tu visites mon cœur, et si tu sondes mon cœur, na kama unachunguza moyo wangu. Si tu le visites la nuit, ukitembelea hata usiku. Si tu m'éprouves, ukinipima, tu ne trouveras rien. Hautapata kitu. Amen. Mais ouais. Ne toi. Utaona kusema sasa hivi. Est-ce que tu peux parler ainsi? Même ce soir, et tu commences à lire. Que ma justice te paraisse devant toi, devant ta face. Wangu, mbele ya uso wako. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Yangu, yako, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, bushiku, si tu m'éprouves, ukinipima, tu ne trouveras rien. Aouta pata amo. Tu n'y trouveras rien. Est-ce que tu peux couper Moulou là? Tu sauras? Mon frère, est-ce que tu sauras? Il n'est même pas encore nuit. Tu es éveillé. Mais le Saint-Esprit visite ton corps. Est-ce que tu peux donner le même témoignage que David? Sous le sang des animaux. Mais ouais, avec le sang du... de Jésus-Christ. Mais toi, Nadamu ya Yesu Christ. Oui, Nadamu ya Yesu. Avec le sang de Jésus-Christ. Bikwazongapi. Combien d'achoppements? Kusema kubaya kuangapi. Combien de mauvaises paroles? Sinon, l'homme ya wa. Tu vois toi-même. Kanisa ya Mungu. Église de Dieu. Tukubantu bengine. Nous sommes un peuple à part. Ni bantu bale Mungu kanangaria. Nous sommes un peuple que Dieu compte. Bale Mungu ya munya lita. Que Dieu lui-même a appelé. Peuple yake. Son peuple taifa yake. Frère, comment nous le dijua? Si tu te connais, mon frère. Au pas chafa vile kuna fanya. Tu n'aurais pas fait ce que tu fais. Uja udisabu. Tu t'es déjà oublié. Uja udisabu ndugu yangu. Tu t'es déjà oublié, mon frère. Comment le dijua? Si tu te connaissais. C'est comme toi, mon frère. Que tu es un enfant du roi. T'es où le mon frère mécani? Et quel roi? Aino apa bulongo apa. Pas un roi terrestre. Wakumbingu. Le roi céleste. Ula lumba mbingu na dunia. Celui qui a créé les cieux. Les choses visibles et invisibles. Yakonekana na besio onekana. Yenjo baba yako. Et toi, c'est lui ton père. Au dijua na lewe. Et jusqu'aujourd'hui tu t'ignores. Usha kutisabu. Tu t'es déjà oublié? Kanisa ya Mungu. Église de Dieu. Usha kutisabu. Tu t'es déjà oublié? C'est lui qui t'a appelé. Baba yako. Ton père. Attends, nous quoi? Attends que je dis. Ma épouse. Si nous disons Bibi Arusi. Nikusema. Ça veut dire. La moitié de. Kipande kia. La moitié de. Pas qu'à filer Bibi Arusi kipande yako. Le même que ton épouse, c'est ta moitié. Ulona. Tu vois? Ouais, si tu es la moitié de. Nikusema. C'est-à-dire. Il est vie éternelle au la vie éternelle que tu as. Aina ya lewo. Ce n'est pas celle de. Avant la fondation du monde. Mais les attends. Al quoi ça kujua? Al quoi ça kujua? Et t'a amené à cette époque ici. Frère. Duku. Bale bote bari kufwa. Tous ceux-là qui sont morts. Bata kutu bari kufwa na nina ineno. Ils sont morts avec cette parole. Beko na kuchunga wewe. Ils attendent toi. Je vais faire votre kamelifu. Afin qu'il puisse aller. Mais regarde la parole que tu as. Qu'est-ce que tu en fais? Conscience, Yako. Ta Zamir. Ne fais rien. Tous les ans, tout. Ouais, tranquillise-toi. Ou tu vois, c'est moi, Mignoué. Médite sur ce avec cette parole que nous avons. Manaku ya bei. Les promesses si valeureuses. Comment le jour? Si tu te connaissais, tu ne ferais pas ce que tu fais. Si tu te connaissais, tu marcherais dans la crainte de Dieu. Parce que où est donc le représentant de celle sur la terre? Parce que c'est toi qui es Moussimamizu wa Mbingu Padunia. Tu es Mbalozi wa Padunia. Si les gens doivent du voir, comment la pêche qu'on a honnête. Si les gens, on doit voir des gens bakunyoloka. Bantu, l'homme de parole. Bantu, qui l'a nationalité? C'est nous. Tu promets aujourd'hui. Frère, on est pas oh, mon frère, donne-moi de l'argent. Tu vas t'en donner demain. Il est de quoi ni kesho. Demain devient demain, lendemain sur lendemain. Et tu vois? Mungu et toi. Notre Dieu à nous. Jésus. Jésus. Homme de parole. Quand il dit quelque chose, il l'a suit jusqu'à l'accomplissement. Un enfant de Dieu aussi. Quand il promet quelque chose. Promet, et accomplis ce que tu as promis. Ça, ça, ouais. Mais alors toi. Oh frère, oui, excusez. Oh mon frère, excusez-moi. Avec beaucoup de légèreté. Comment ma kintu. Si tu dis quelque chose. Suis cette chose-là. Alors, on va te donner de la confiance. Mais leur confiance, c'est quoi, Pia? Aujourd'hui, où est la confiance? Quand est confiance, c'est quoi, où est la confiance ici? Quand tu confiance, c'est quoi, Dieu, où est la conscience ici? Et la confiance. Vous faites frère confiance. Que l'on fasse confiance à un frère. On lui donne de l'argent. Il déménage. Tu seras surpris. Il est à Lubumbashi. Il habite là. Bantu banza kushinda sana kupokelea abantu. Les gens commencent même à se réserver. Vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas de quelle nature il est. Parce qu'ils ont rencontré ma vie. Alors que quand tu reçois un enfant de Dieu, ni baraka, ni salama, c'est la paix. Ça, ça pas. Maintenant ici. Tu vois toi-même. Conscience à tout. Je suis plutôt le cas autour. Mais ce que l'on fait à part. Je ne suis pas en train de faire. En arrière, pas. Regarde seulement là où tu te tiens. Est-ce que les choses sont correctes? Kanisa amu. Église de Dieu. Na maloko ya mingi tuko nayo. Avec toutes les grandes promesses que nous avons. Mina kulomba hivi. Je te demande ceci. Bushiku bwa leo. Cette nuit. Wendo kalale. Va dormir. Que ton cœur puisse t'exhorter. Il est apporté mon psaume 6, 16, 7. Tu vas trouver dans Zaburi 7. Psaume 16, 7 à 9. Ah, psaume Zaburi 16, 7 à 9. Vas-y, toi-même, quand tu vas dormir, que ton cœur te conseille seulement. Oui, une fois, t'es bien. Est-ce que tu me suis? Va chez toi à la maison. Va dormir. Que ton cœur t'exhorte et te conseille. Faut t'en parler. Suis-là. C'est pourquoi, mes frères, c'est pour ça, le Dieu que nous avons est un Dieu véritable. Et il nous a donné la vérité. Nous attendons l'enlèvement. Cet enlèvement que nous avons. Ce n'est pas le premier. Enoch a été enlevé. Et avant de partir, il a eu un bon témoignage. Ce n'est pas devant les hommes, hein. Mais devant Dieu. Nous pouvons lire ça. Mon hébreu. Mon hébrania. Nous attendons la véritable promesse. Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus. Quelqu'un qui est enlevé. Il marche encore sur la terre. Il va au champ. Il va se marier. Non, ça ce n'est pas l'enlèvement biblique. Ça, c'est de la folie. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant son enlèvement, il est monté. Et avant de monter, il avait le témoignage de Dieu. Il était agréable à Dieu. C'est pourquoi vous m'avez dit que vous n'avez pas eu de vie. Nous devons avoir une vie qui plaît à Dieu. La vie de Dieu. Marcher avec Dieu. C'est la vérité. Les gens doivent témoigner. Dire non, c'est vrai. Celui-ci, c'est un enfant. Et quand il témoigne, la conscience sait que c'est un enfant. Même Zamir dit c'est vrai. Dieu vit, c'est comme ça. Le véritable témoignage, c'est celui qui vient de Dieu lui-même. C'est pour ça que même les saints, c'est lui qui le donne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas les hommes qui le donnent. Si c'était les hommes, tu sais, viens, prends. Non, toi aussi, prends. Mais ça ne concerne que Dieu. Nous prêchons. Si tu l'as oublié, mais c'est lui qui sauve. Nous prêchons. Si tu l'as oublié, c'est lui qui fait tout. Nous sommes les ouvriers inutiles. Nous n'avons même pas de bourreau. Nous faisons juste une partie de la part. Nous travaillons avec Dieu. Si nous prêchons ainsi, il y en a encore. Oui, sauve. Pensez ma couille à pas. Si tu veux, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui vous avons fait. Le salut n'est que dans la vie. C'est lui qui a espéré. C'est lui qui a cru. C'est-à-dire, tu acceptes de laisser tout ce qui est du monde. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Et marcher avec le monde. Tu vas m'embrasser. Ça ne va pas avoir un passé. Je te le dis. Ça ne sera pas suffisant. Tu dois abandonner là pour suivre la parole de Dieu. Tu ne peux pas marcher ensemble avec le monde. La Bible dit ceci. Si l'amour du monde est en vous, le Saint-Esprit n'est pas en vous. Il est l'amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne veut pas être dedans. Et que tu aimes le monde en même temps. Très faux. Ça ne se pourra jamais. C'est pour ça, mon frère. Fais de ton mieux. Comme Paul dit. Je me force. D'avoir conscience pure. Devant Dieu. Et devant les hommes. C'est ça. Que Dieu nous aide, l'église. La vérité, c'est ça. Tu ne peux pas aller au fond de la vie. Tu ne peux pas hacer que grand coursi. Tu marches avec la parole. Alors Dieu va marcher avec toi. Obéis à la parole de Dieu. Dieu qui a raison, ça a dit. Frère, le baptême du Saint-Esprit. Et que c'est pour ceux qui sont obéissants. Quoi purifier? Être purifié, vous purifiez vos âmes. C'est pas l'obéissance. Bien de l'obéissance. Tout pourquoi? Bah, tout est à mon goût. Quoi Abraham? Depuis Abraham. Abraham était obéissant. Abraham à la parole de Dieu. N'arrêtez pas pour mon amour. Et il a marché avec Jacob. Jacob. Encore obéissant. N'arrêtez pas pour mon amour. Il a marché avec Dieu. Isaac. Isaac. Encore obéissant. N'arrêtez pas pour mon amour. Il a marché avec Dieu. Il est né à quoi? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Encore obéissant. Jusqu'à la mort. C'est ça le signe des enfants de Dieu. Si tu n'es pas motivé, je ne sais pas quelle sémence tu as en toi. Un enfant de Dieu véritable. Et comme motivé. Même si on lui dit quelque chose. Et qu'on a dit faut attendre. Si il entend la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Tu ne vas pas te battre avec la parole de Dieu. Non. Ceux qui se battent. Ils n'ont pas encore fait l'expérience. Il y a une nouvelle naissance. Il y a une nouvelle naissance. Vous allez comme à la paix. Tu n'as pas. Si tu es en train de résister à la parole. Non, non. Si tu es au moyen la nouvelle naissance. Ça va te donner. Tu es obéissant à toute la parole. Obéissant à toute la parole. Tu ne vas pas te battre avec la parole. Voilà quoi on te dit ceci, tu fais ceci. Voilà quoi on te dit ceci, tu fais ceci. Tu vois la quoi nous te regardons. Jofile. C'est ça. Hein? Jofile. C'est ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Enoch a quoi agréable? Enoch a quoi m'accompagner? C'est ton délai. Continuons. C'est par la foi. Ni quoi imani? Que Noé. Noah. Divinement averti. Des choses que ne voyait pas encore. Saisi d'une crainte respectueuse. Construisit l'arche. Pour sauver sa famille. Dieu a dans la parole. Ou le que imani. Celui qui a la foi. Et qu'on obéissant. Et qu'on a beaucoup. Il a la crainte de Dieu. Si la crainte de Dieu n'y est pas, je te dis même la foi n'y est pas. Regardez ce qui ont précédé. Noé. Noé. La sémence de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti. Pour un lieu, il devait recevoir un héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, l'autorité de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Dieu, Dieu est l'architecte et le constructeur. Que Dieu vous bénisse. Il se connaissait comme étant pèlerin. Toi aussi mon frère. Toi aussi ma soeur. Si tu te reconnais comme pèlerin, tu vas découvrir que les choses du monde ne sont pas limitées. C'est pour ça que le Dieu de Dieu. Il a vu que la meilleure chose a il leur a donné sa parole. La parole c'est ça notre vie. Et je vous dis ceci. Dans toutes les promesses. Le promesse top. C'est ça qui est couillou. Parce que comme le royaume d'Atis, ça va vous situer le Saint-Esprit. Tout devient ta propriété. Tout ce que Dieu a propriété t'appartient. Je te le dis. Église de Dieu. Ça, c'est la fin. Maintenant, toutes ces paroles. Et que la fourrure chère monte. Objectif. Que tous nous puissions arriver à cette prédication. Ma prédication, Dieu de la chair. Les prédications que nous avons. Et que la dire. Ça t'aide. Ou t'aime. Ou fille de afin d'atteindre cette promesse. C'est ça. C'est ça le top des promesses. C'est pourquoi Abraham. C'est connaissait. Même si je suis sur la terre, ce n'est pas chez nous. Quoi chez nous. Tout le temps nous sommes sortis de l'éternité. Et c'est là que nous rentrons. Quoi chez nous. C'est l'éternité, je te dis. C'est là que nous étions. Avant que nous soyons sur la terre. Dieu nous connaissait déjà. Aujourd'hui. Nous sommes la manifestation de la parole. D'ailleurs, à la fin ici, nous voici. Kizazi kibaya. Mungu anatula musha. Dieu nous a suscité. Kizazi kisherati. Mungu anatula musha. Dieu nous a suscité. Frère, tungu na kombana. Nous battons. Nous kusema. C'est-à-dire. Akwekera ke mu Kristo musherati. Il n'y a pas de chrétien à Dieu. Akwekera ke mu Kristo mulevi. Il n'y a pas de chrétien. Akwekera ke mu Kristo wa bongo. Il n'y a pas de chrétien. Apana. Non. Mu Kristo. Un chrétien. Ni mwenye kufanana na Mungu. C'est celui qui ressemble à Dieu. J'en file. C'est ça. L'église de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. Si tu te connais, tu ne feras pas ce que tu fais là. Que Dieu vous bénisse. Nous avons de véritables problèmes. Regardez comment les gens construisent aujourd'hui, mon frère. Qui sont en train de construire. Quand vous arrivez, vous Bantu babaya, des méchants jenga. Qui construisent. Na bantu manatapa. Et les gens vantent ça. Ma pa la banta jenga. Non, ils ont construit. Mais, kwetu, mais chez nous. Kwetu, chez nous. Ulana jenga, celui-là qui construit. Ni munyewe bintu, c'est le propriétaire. Yamoya. Lui-même. C'est lui-là qui est allé construire. Aujourd'hui, tu es encore locataire. Mais il t'a déjà apprêté. Où est-ce que tu es? Tu as ta propre maison. Attends que je te dise. Peut-être que tu ne le sais pas. Tu as ta propre. Attends, nous lisons d'abord. Frère. Ndugu. Nous sommes en train de vanter les choses des hommes. Apana, frère. Non, mon frère. Mais quand je ça, si je vous dis alors. Les goudrons ici. Zambia, si vous allez en Zambie, au Congo, vous allez au Congo, partout où vous êtes, c'est toujours noir. Vous faites un amaro et vous venez comme ça. Conformément à leur cœur. Mais chez nous, les rues peuvent manger. Tu n'auras même pas de poussière. Non, il y aura pas de non, les chaussures ne seront pas là. Amen. C'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est bien préparé. Mungu est quoi, frère? Ah, Dieu est là. Tout ça, mes frères. Lisons-nous. Lui, il ne trompe jamais. C'est toi qui te bats avec les choses du monde qui sont inutiles. Ah, bien court, c'est bien après. Inutile. Jean 14. Que votre cœur ne se double pas. Croyez en Dieu. Mouamini et croyez en moi. Mouamini. Ça, c'est chikia. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuko makao mingi nanya nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, kama ikukue vile. Je vous l'aurais dit. Mili pasha kumiambia. Je vais vous préparer une place. Naenda kumitayarisha fazi. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous ai préparé une place, je reviendrai. Là où nous sommes, nous attendons cette promesse. Asiakuya. Il n'est pas encore revenu. Nous l'attendons. Nakamana kuya. Et s'il venait, il ne va pas piétiner la terre. Non. Il sera en l'air. Mais Branham va piétiner sur la terre. Mungute. Comment il sera Dieu? Apana. Non. Ah, bote, bah, kimbangu, il bote. Fait kimbangu et tout. Si ils ont piétiné la terre. Mais lui quand il viendra, il sera dans les airs. Et ceux qui auront la vie de l'esprit de Dieu, ils vont mourir. Tous ensemble, nous allons partir. Il y a quoi le faire? C'est la vérité Ndoukou. Dieu est là. Il dit, l'homme est menteur. Mais moi, je suis menteur. Toi, tu es menteur. Mais lui, il n'a jamais menti. C'est la vérité. Il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Il a promis. S'il promet, il l'a promis une fois pour toutes. Le ciel existe. L'enlèvement est ce vrai. Mais il y a une autre qui était partie, non? Mais ceux qui étaient morts, ils étaient morts. Il ne reste plus que nous. Et tu vas rester. Hein? Tu vas rester. Hein? Tu vas rester. Hein? Allez au ciel. C'est vouloir. Rester encore. C'est vouloir. Conformant ta vie. C'est la vérité. Le Dieu ici est véritable. Il est véritable. Le Il est véritable. Il t'aime. C'est pourquoi arrête bon tapa. C'est pour ça qu'il a laissé tous les gens. Il a laissé tous ces renommés. Tous ces gens ici. Frère, Anacha Tshisekedi. Il a laissé Tshisekedi. Anacha Kabila. Il a laissé Kabila. Anacha Bote Bakavumo. Il a laissé tous ces gens. Anacha Bote. Tous ces gens. Anacha Kwangaria. Il t'a regardé. Ouais, Kouyo. Et toi, viens. Ouais, Kouyo. Toi, viens ici. Ouais, Kouyo. Toi, viens. Pourquoi? J'ai un projet de bonheur. Nicolas Matéry, Yaura, Juyako. Mungwa Shakupenda, frère. Je t'aime, mon frère. Mungwa Shakupenda. Je t'aime. Tu n'étais pas seul. Bible nasema. La Bible dit. Il n'y a personne qui peut possible. Si ça t'a attiré. Il a dit non, mettez-les. Rassemblez-moi mon peuple. Parce que Dieu a quelque chose à vous dire. Il vous dit. Vous allez vous préparer une place. Les signes sont en train de se manifester. Ma signe se manifeste même. Sont en train de se manifester. Il y a quoi? C'est vrai. Je suis comme moi. Ce que nous sommes en train de faire, réalité. Ça va être bien. Quoi? C'est vrai. C'est nous qui a promis. Là, ce n'est pas un homme. Anna Muntu. Apana. Non. Muntu la landaka. Un homme, maman. Mais comme il y en a là. Mais si lui, il promet. Il va forcément accomplir ça. Dans peu de temps. Mais c'est tout. Il y a un monde à tout. C'est toujours pour Kwangaika. Ni quoi Muda. Pourquoi tu fais ça? Ni quoi Muda. Chiku Moya. Il y a un malizika. C'est vrai. Un Dieu vivant. Un Dieu de promesses. Mungu Malako. Il ne fait sur sa parole. Il ne fait sur sa parole. Et que l'engarichi. Quand vous regardez, c'est pourquoi mon rêve est comme un chaud. Quand nous arrivons à la fin, à la tweet, il nous appelle. Ouais, bien, quoi, il est véritable. Ouais, bien, quoi, il est véritable. Ça. Maintenant. La parole que nous avons, c'est celle qui va t'aider. Ce n'est pas pour notre parole. La parole elle va nous aider. Accepte la. Marche dans Koukou. Tu verras les résultats. Tu verras. C'est pourquoi, mes frères, combat n'a pas qu'à filer. Bats-toi. Combat n'a pas qu'à filer. Continue à te battre. Combat n'a. Continue à te battre. Tout le monde qui est là. C'est qui va rester là. Tout le monde qui est là. C'est qui ne va pas. C'est que tout le monde. Le jour où on le verra. C'est que tout le monde. Le jour où on le verra. Mouma Wingu. Tout le monde est là. Nous allons le ressembler. Ah, Mungo Gobien. Ah, Dieu est bon. Mungo Gobien. Dieu est bon. Il s'agit seulement de te repentir de tes gros péchés là. De tous ces problèmes. Que tu fasses que dans tes années. Que tu n'aies pas de problème avec les c'est lui qui nous a dit. Recherchez. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Reste avec Dieu. Tu diras que c'est vrai. Le Dieu que nous prêchons. Nous ne prêchons pas dans la bouche. Nous connaissons ce que nous prêchons. C'est vrai. Yeah. Il nous a donné beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Bible. Dans cette Bible, il y en a beaucoup. Mon frère, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ceux qui sont ici. Malako. C'est une promesse. Il l'interprète. Malako. C'est une promesse. Mes frères de l'autre côté. C'est une promesse. C'est une promesse. Mbingu. Le ciel. Malako. Une promesse. Vous comme Isaac, vous êtes Isaac. Les enfants de la promesse. Frère, aïna mawazo, touche-moi. Non, sors d'abord tes pensées. Sors toutes tes pensées que tu as là. Toi là, il nous promet tout. Quand nous lisons les Écritures, quand nous sommes mandico, c'est moi. Sommes tout mandico. Tu dis, lisse, mais toi. Cette promesse n'est pas pour les autres. C'est pour vous. Dans tout Cambo. C'est vous là. Nous, ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. C'est vous. Puisse être propre. Que Dieu puisse le nettoyer. Enlever tout mal. C'est toi qui dois enlever. Dieu a déjà donné Kipendaro. Depuis le jardin d'Eden. Jusqu'aujourd'hui. Et Dieu lui. Il a donné à Adam. La parole. Si vous faites ceci, vous mourrez. Si vous faites ceci, vous mourrez. Si vous faites ceci, c'était ça sa prédication. Il est parti. Mais quand ils ont commencé à briser la parole, Dieu, il a laissé à chacun la liberté. Il n'avait pas dit. Adam, arrête. Non, il leur avait déjà donné la parole. Et aujourd'hui, Dieu vous donne la parole. C'est à vous. Les serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas. Non. Ils prêchent la parole. Ils vous donnent la responsabilité. C'est à vous d'appliquer la parole. C'est à vous d'appliquer la parole. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. Et Dieu va l'aider. Si tu veux me croire faussement, je vais t'aider dans ce mensonge pour que tu partes. Je vais t'aider. C'est ça. Il va t'aider dans ce que tu veux. Il va t'aider. Reste 5 minutes. Ok, Mbarki. Niki Pendaro. Il s'agit de la, du libre arbitre. Toi-même. Tu sais très bien ce que Dieu a déjà demandé. Tu sais ce que Dieu veut. Tu connais. Tous ces jours où tu connais. N'est-ce pas que tu connais? On t'enseigne. Tu le sais. Maintenant, je voudrais bien t'aider sur quelque chose. L'écriture. Avec une écriture, Andiko. Psaume 90. Zaburi Makumitisa. Commençons au 8e. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Dadam, ma soeur, Mupendwa, Mouissa. Maintenant, il ne s'agit pas de cacher les. C'est ma savine David, c'est ma. Parle comme David. Mon Esaïe et mon psaume 51. Dans Zaburi Makumita non Namoja. Troisième ou trois. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché. Ça n'est quoi mieux vie. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Nikusema. Kosa yako lukunayo. Ton péché que tu as. Tu le connais, il est devant toi. Tu ne peux pas le mettre derrière. Il est devant toi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Tu sais ce que tu es. Tu connais tes fautes. C'est à toi de dire à Dieu. Voici mes transgressions. C'est même lui qui a dit. Tout ce qui avait de l'ours à dos. Vous y avez de l'ours à dos. Venez chez moi. Je vais vous dire. Dama Zambienu. Si vos péchés sont rouges. Dama Yamuya Mwekunda. Mon sang est rouge. Dama Zambia Mwekunda. Le péché rouge. Na damu ya mwekunda. Le sang rouge. Biki bumba na mwekunda ya upe. Jokoba, ala kwa mde kwe pata fune. Umwambie. Fosha kutula miziko hiku wako. L'endroit où il faut me mettre, de déposer les pas les kuchunga. Ne le faut pas garder. Aita kusaida tama la moya. Non, ça va jamais t'aider. Ouwe fosha kutula miziko. Toi, l'endroit où tu jettes tes fardos. Miziko kuna ayote. C'est tes fardos. Mangai kuku na ayote. Toutes les préoccupations que tu as. Yes, kutela kutela. Jésus-Christ est prêt. Jia kipukina paka fune ya hiko. Ali panda kumu salaba. Il est monté à la croix. Alors c'est maman bon de Mukuye. Tous venez. Ah c'est quoi là que Muntu? Il n'a jamais choisi qui. Mukuye pas qu'à vous le moment. Venez tel que vous êtes. Mukuye. Venez. Mettez-moi pour Mujisha. Je vais vous donner du repos. Écoutez Yari. Il est prêt. Là pas qu'à vous le aujourd'hui tel que tu. Pas qu'à Aniyako. Avec ton état. À la coupe n'a pas qu'à vous le. Tel que tu. Ouais Mukuye pas qu'à vous le. Namu mwata kusaidia. Dieu va t'aider. On est chez quand? Tu as accepté? Ouais là pas qu'à vous le. Viens tel que tu. Il n'est pas qu'à venir Kamimbo. Pendant qu'on est en train de nous entonner un cantique. Yesu number